Chapitre 5. Après des heures d'insomnie, Élisabeth se leva le lendemain matin, courbattue, fiévreuse, si bien qu'Adélaïde l'obligea à se recoucher. Catherine vint la voir dans l'après-midi. Elle était fraîche comme à l'ordinaire et convint qu'elle ne s'était pas ennuyée ainsi qu'elle l'avait craint. « Mais, ma pauvre chérie, je suis désolée de vous voir ainsi, » ajouta-t-elle affectueusement. « Cette soirée ne vous a pas réussi. À Willibald non plus. Aujourd'hui, il est plus sombre que la plus sombre nuit. Abel aussi est tout drôle, tout songeur. Cette petite peste d'Agathe vous aurait-elle jeté un sort ? Et dire qu'elle a l'intention de rester quelque temps chez nous. Je me demande ce qui lui a passé par la tête. » Quand son amie fut partie, Élisabeth ferma les yeux et demeura immobile. La chambre s'obscurcissait car un orage se formait et de lointains grondements commençaient à se faire entendre. Son cerveau fatigué essayait de ne plus penser, de s'engourdir. Vainement, devant les yeux d'Élisabeth, passaient les silhouettes de Judith dans sa robe couleur d'orange, aux scintillements argentés de la blanche Agathe de M. de Rudaine. À ses oreilles résonnait la voix de Willibald, suppliante, ardente, qui disait « Partez, Élisabeth !» Que craignait-il donc ? Agathe pouvait lui nuire, assurait-il. Comment ? Et cependant, Calix ne lui avait-elle pas fait une recommandation analogue, naguère ? « Prends garde à ta belle-mère, Élisabeth !» Non, certes, elle ne partirait pas. Elle ne quitterait Montparnasse qu'au début de l'hiver, comme elle l'avait décidé. Mais elle éviterait le plus possible de rencontrer sa belle-mère et Agathe. Celle-ci, il fallait du moins l'espérer, ne s'attarderait pas indéfiniment à Aigueblanche. Jusqu'à son départ, Élisabeth s'abstiendrait de s'y rendre. Elle en dirait tout simplement la raison à Catherine, qui la répéterait à sa mère et à ses frères. Willibald, en tout cas, n'en serait pas surpris, puisqu'il avait mis en garde contre Judith et sa fille. « Oh, quelle partie vite, cette Agathe ! Quelle partie pour que Willibald en fût délivré, pour qu'il ne s'enfermât plus dans cette sombre tristesse dont venait de parler Catherine !» L'orage, qui éclata au début de la soirée, augmenta la fatigue, la nervosité d'Élisabeth. Elle ne se sentait pas bien encore le jour suivant et ne quitta pas la tour jusqu'après le dîner où, sur le conseil d'Adélaïde, elle sortit pour profiter de l'air devenu presque frais. Comme elle allait s'engager dans le parterre, elle vit venir M. de Rudaine qui s'exclama « Tiens, te voilà, j'allais justement chez toi. Tu n'as pas bonne mine. » J'ai été souffrante. Je me sens un peu mieux ce soir et j'allais prendre l'air. Vous aviez à me parler, mon père ? Oui, rien que d'agréable à te dire, mon enfant. Il avait sans doute remarqué le subit raidissement d'Élisabeth, l'accent plus sec de sa voix. Une demande en mariage. Elle répéta sur un ton de froide surprise. Une demande en mariage ? Pour moi, qui ne connais personne. Pardon, tu connais Franz Insler. Franz Insler, ce monsieur avec qui j'ai dansé quelques instants. Oui, Insler, le grand peintre, sur qui tu as fait une profonde impression. Ce n'est pas réciproque, dit ironiquement Élisabeth. Tout en parlant, il s'était mis à marcher le long du parterre. Dans le frais crépuscule, s'exhalaient des parfums de résine et de buis. Le son d'un piano, une voix de femme chantant un lied de Schumann, arrivait jusqu'à eux, venant des salons du Château-Neuf. « Il ne te plaît pas ? Il m'est indifférent, voilà tout. Cependant, il est très recherché, fort riche déjà, et un homme tout à fait arrivé. Aimable, intelligent, d'une bonne famille de la bourgeoisie viennoise et connu de toute l'Europe. C'est un parti absolument inespéré pour toi. » Il m'a demandé cet après-midi ta main et j'ai dû lui promettre de te parler le plus tôt possible. Vous lui direz que je regrette de le décevoir, mais que je ne veux pas me marier. Ce serait une folie, Élisabeth, dans ta situation, sans dot. J'aime 100 fois mieux travailler que de faire un mariage de ce genre. Oui, mais tu changeras peut-être d'avis plus tard quand tu auras bien peiné pour arriver à une situation médiocre, alors que tu pourrais être une femme adulée, enviée. Ce ne sont pas des considérations qui agissent sur moi, mon père. » Il jeta un coup d'œil irrité sur le ferme profil, sur la bouche résolue. « Tu as toujours la même nature intraitable, je le vois. C'est fou de refuser un pareil mariage. Aurais-tu par hasard quelque sentiment pour un autre ?» Il hésitait, maladroit dans ce rôle d'inquisiteur. Élisabeth tourna vers lui son visage fatigué, ses yeux surpris. « Un autre ? Certes non. Mon oncle aurait voulu me faire épouser un ami d'Horace, mais je l'ai refusé, comme je refuse votre candidat, mon père. » « C'est bon, tu réfléchiras jusqu'à demain. J'attendrai pour donner la réponse à Hinsler. » Il s'éloigna après un bref bonsoir. Élisabeth resta un moment immobile, puis revenant un peu sur ses pas, elle traversa la cour où la sirène de pierre verdie par la mousse penchait sa tête mélancolique vers le petit bassin desséché. Dans la vieille salle ruinée, l'arc d'ogive de la baie s'ouvrait sur la nuit commençante. Les sapins, sur les pentes, n'étaient plus que de sombres masses indistinctes. Ce doux crépuscule d'été allait finir. Élisabeth, levant les yeux, vit scintiller quelques étoiles. Puis elle les ramena vers la terre et leur regard erra le long de la vallée jusqu'à cette allée d'ormes qu'il ne voyait pas, qu'il devinait dans l'ombre légère. À cette heure, ils devaient être tous les quatre dans le jardin, devant les fenêtres du salon. Tous les quatre, et Agathe aussi, peut-être. Non, Agathe passait les soirées à Montparoux depuis que le château avait des hôtes. Ils étaient donc seuls, délivrés de cette présence. Willibald en ressentait-il quelque détente? Avait-il encore ce visage sombre comme la plus sombre nuit? Le cœur d'Élisabeth se gonflait d'émotions douloureuses. Un peu penchée, elle regardait ardemment vers Aigueblanche et songeait « Que ne puis-je lui enlever cette souffrance? Ah, le rendre heureux, au prix même de ma vie !» Elle eut un long frisson. À cet instant même, dans ce cri passionné de son cœur, tout s'éclairait pour elle. Ses genoux fléchirent, elle glissa sur le sol et appuya ses bras contre l'appui de pierre. Le visage entre ses mains brûlantes, elle se mit à sangloter. Quand Adélaïde, le lendemain matin, s'inquiéta de sa mine altérée, elle reçut d'Élisabeth cette stupéfiante réponse. « Je ne me sens pas bien, en effet, et je crois que l'existence à Montparoux ne me vaut rien. Nous irons finir l'été en Bretagne, à Kériti, dans cette petite pension de famille dont nous parlait Muriel, l'ami d'Alison. « Vous voulez quitter Montparoux ?» balbutia la vieille demoiselle. « Oui, ma bonne Adélie, l'air de la mer me fera certainement grand bien. Puis je serai loin de Judith, d'Agathe, de... » Ses lèvres pâlies se crispèrent, sa voix s'altérant en achevant. « De bien des choses ennuyeuses. Mais votre cousin va arriver. En une huitaine de jours, il pourra parcourir les alentours. » Peut-être nous accompagnera-t-il jusqu'en Bretagne. C'est entendu, Adélie, nous partirons avant le 15 août. Bien, ma petite fille, je n'y vois pas d'inconvénient du moment que c'est pour votre plaisir. Mon plaisir! Élisabeth contint avec peine le sanglot qui lui montait à la gorge. Oui, pour mon plaisir, c'est cela. J'aime beaucoup la mer, je serai très contente de la revoir. Maintenant, je vais jeter un coup d'œil sur la chambre de grand-mère, puisque Horace m'annonce son arrivée pour samedi. Oui, allez, mon enfant, Aglaé va venir tout à l'heure et vous lui donnerez vos instructions. Mais c'est Catherine qui va être peinée de votre départ. Elle vous aime tant. Ils vous aiment tous, d'ailleurs, à Aigueblanche. Élisabeth, sans mot dire, quitta la chambre d'Adélaïde avec une sorte de hâte. Ce rappel d'Aigueblanche, c'était encore trop cruel pour elle qui venait, au cours des heures nocturnes, de prendre cette dure décision, si terriblement combattue par le déchirement de son cœur, par des voix insidieuses qui murmuraient « Tu ne seras peut-être pas la seule à souffrir. » Il fallait qu'elle agît, qu'elle travaillât pour ne plus les entendre, ces voix affreuses, ces voix ensorcelantes. Dans la chambre de l'aïeul, elle allait et venait, cherchant ce qu'elle pourrait ajouter à son confort assez relatif. Près de la fenêtre où se tenait habituellement assise Madame de Rudaine, il y avait toujours son fauteuil et sa petite table. Élisabeth, en les regardant, revécut sa dernière entrevue avec la vieille dame. Elle alla au meuble à deux corps, ouvrit le tiroir secret. Les écrins vides étaient toujours là. Quand elle se détourna, son regard tomba sur le grand lit de chêne, recouvert de sa courte pointe en soie jaune fanée. Elle eut un long frisson. L'aïeule mourante, son terrible sourire et la voix avide, haletante, qui suppliait la moribonde, comme tout cela demeurait net dans son souvenir. Horrible scène qui avait pour toujours marqué son âme d'enfant. Écartant ses réminiscences douloureuses, Élisabeth alla chercher balai et essuie-meuble et fit le ménage des deux pièces qu'elle destinait à Horace. La pensée de revoir ce calme visage, ses yeux gris dont l'expression était si ferme, si loyale, lui semblait déjà un réconfort. Cher Horace, qu'elle se réjouissait tant auparavant de recevoir à Montparou. Comme il faudrait qu'elle prît garde de bien renfermer son cruel secret, si elle ne voulait pas que cet esprit trop clairvoyant le devinât. Dans l'après-midi, quand la chaleur fut un peu tombée, Élisabeth quitta la tour avec son attirail de peinture. Elle voulait reproduire ce coin de l'étang où était morte sa mère, afin d'emporter ce souvenir dans son exil, puisque très probablement elle ne reverrait plus Montparou. Cette fois, elle s'en alla par les petits sentiers feutrés de mousse, embarrassés de ronces, au long desquels, parfois, clapotait un ruisseau. Le bruit d'une cognée troublait seul le silence dans l'ombre chaude où avançait Élisabeth. Elle songea tout à coup qu'il lui faudrait ce soir écrire un mot à son père pour lui réitérer son refus au sujet de Franz Hinsler. Ce matin, dans sa fatigue physique et morale, elle avait complètement oublié qu'il lui avait dit de réfléchir jusqu'au lendemain. Vraiment, pouvait-il sérieusement supposer que la fortune, le prestige de cet étranger complètement inconnu la veille, aurait quelque effet sur elle ? Mais ce n'était là qu'un petit ennui qui passait à peu près inaperçu dans le grand orage où se débattait son cœur. Le bruit de la cognée se rapprochait. Quand elle arriva au bout du sentier qui débouchait non loin de l'étang, elle aperçut, entre les troncs d'arbres, Benoît, le jeune jardinier, occupé à abattre les basses branches d'un mélèze. C'était l'heure où le soleil, déjà incliné vers l'horizon, n'éclairait plus que la partie de l'étang où voguaient les plantes aquatiques. Élisabeth installa son chevalet, s'assit et considéra pensivement ce cadre forestier qu'elle voulait reproduire en premier lieu. Mais au bout de quelques minutes, des pas légers lui firent tourner la tête. Elle vit Agathe qui venait à elle, tenant son fils par la main. Le sang monta à son visage sous la poussée d'une émotion violente. Elle, en ce moment, cette odieuse Agathe. « Vous travaillez, Élisabeth, vous voulez peindre les temps ?»« Une partie, du moins. » Par un intense effort de volonté, Élisabeth réussissait à bander ses nerfs, à donner un accent calme à sa voix. « J'aurais aimé peindre, mais les cours qu'il fallait suivre me fatiguaient. »« Ou plutôt, vous n'aviez pas le courage de les suivre, » dit nettement Élisabeth. Elle savait que c'était l'habitude d'Agathe de prétexter sa santé, soi-disant délicate, pour voiler sa paresse. La jeune femme eut un rire doux et moqueur. « Aimable Élisabeth, mais je ne m'offense pas de vos coups de boutoir, heureusement. C'est une obligation de votre nature, il faut prendre celle-ci comme elle est. En tout cas, tel que vous avez produit un effet foudroyant sur Hitler, comme père a dû vous le dire. » Élisabeth ne répondit pas. Elle songeait. « Qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille !» Ses doigts se crispaient sur le manche d'un pinceau. Agathe se penchait vers elle en parlant et elle sentait monter à ses narines le délicat parfum de jasmin dont se servait la jeune comtesse Rudengorff. « Vous allez faire bien des envieuses, chère, car c'est un homme très recherché. Quelle charmante existence vous mènerez près de lui, à Paris et dans les principales villes d'Europe et d'Amérique. Vraiment, si je n'aimais tant Willy Bat, malgré nos petits dissentiments, je serais presque jalouse de vous. » Élisabeth se sentait à bout de nerfs. Sous le ton de badinage, le joli démon aux yeux célestes distillait son poison perfide qui, le savait-il, atteignait aux plus secrètes profondeurs d'un cœur déchiré. À ce moment, le petit Thierry s'écria « Je veux faire une promenade en bateau !»« Mais non, mon chéri, pas aujourd'hui. Nous demanderons à grand-père de venir avec nous un de ces jours. »« Non, je veux maintenant !»« C'est impossible, je ne sais pas ramer. » »« Mais elle sait, elle !» Thierry tendait son doigt vers Élisabeth. « Ah, c'est vrai. Chère Élisabeth, Catherine m'a dit que vous canotiez très bien. » « Voulez-vous faire ce plaisir à mon petit Thierry ?» Miel suavitait de cette voix, mais elle donnait à Élisabeth l'envie de grincer des dents. « Je n'ai pas le temps, Agathe. Je veux avoir fait une esquisse avant que le soleil quitte l'étang. »« Eh bien, nous attendrons, n'est-ce pas Thierry ? Allons nous asseoir dans le pavillon. » Toujours cette sournoise ténacité. C'était par elle, sans doute, qu'Agathe avait réussi à obtenir, autrefois, ce qu'elle désirait, son mariage avec Willy Bad. Élisabeth, secrètement exaspérée, pensa « Autant vaut que je m'en débarrasse tout de suite. Après, elle me laissera sans doute tranquille. » Et elle dit tout haut, sèchement « Puisque vous y tenez tant, venez. 5 minutes seulement. 5 minutes, c'est cela. » Mais Thierry a été très sage aujourd'hui et j'ai promis de lui accorder ce qu'il me demanderait. » Élisabeth, en se levant, répliqua ironiquement « Promesse dangereuse à l'égard d'un enfant, s'il vous demandait la lune ou les étoiles. Eh bien, je tâcherai de les lui donner. C'est bien assez que son père le traite si sévèrement. Je veux, moi, le rendre heureux. » Élisabeth se retint de lever les épaules. Sottise, sottise. Malheureux Willy Bad. Quel avenir l'attendait avec cette femme et cet enfant qu'elle voulait modeler à sa ressemblance. Au bas des degrés du pavillon, le canot était attaché à sa chaîne. Monsieur de Ruden l'avait acheté 2 ans auparavant pour complaire à un caprice de sa belle-fille qui voulait faire des promenades sur l'étang. Ainsi qu'il advenait souvent de ses fantaisies, celle-ci n'avait guère eu de suite. Cette année, jusqu'alors, Élisabeth seule s'était servie de la petite embarcation. Quand Agathe et son fils furent assis, elle la détacha, puis, ayant pris les rames, elle s'éloigna sur l'eau paisible où l'ombre s'étendait, bienfaisante, après les heures chaudes de la journée. Thierry laissait pendre sa main dans cette eau qu'il s'amusait à agiter. Agathe, souriante sous sa capeline blanche, était assise en face d'Élisabeth. Sa robe couleur d'eau verte accentuait cette apparence de fine porcelaine du teint si délicatement rosé. Elle regardait Élisabeth avec un air de candide curiosité. « Vous avez mauvaise mine. Il paraît que vous avez été souffrante. »« Oui, un peu. C'est pour cela que vous avez quitté si tôt les salons l'autre soir ?» C'est pour cela. La brièveté des réponses ne parut pas décourager Agathe, car elle reprit, après un court silence, Willy Bad aussi est parti très vite. Quel drôle de petit sourire elle avait! Mais elle continuait de regarder ingénument Élisabeth. Si cette soirée l'ennuyait, il a eu bien raison. Oh, évidemment, je ne lui en garde pas rancune. Il a pu trouver plus agréable d'aller rêver dans la nuit où il a eu la charmante surprise de vous rencontrer. » Les rames frappèrent l'eau si violemment que des gouttes jaillirent sur la jeune femme et l'enfant. « Oh, que vous prend-il ? Vous nous mouillez, Élisabeth !» Mais Élisabeth ne s'excusa pas. Laissant reposer les rames, elle regarda Agathe droit dans les yeux. « Assez d'insinuations. Parlez franchement, une fois dans votre vie, si vous en êtes capable. » Le rire musical d'Agathe s'éleva. « Parlez franchement ? Oh, il n'en est pas besoin, chère Élisabeth. Vous me comprenez tout à fait bien, je le vois à votre grand air d'indignation. Thierry, ne te penche pas comme cela. Je veux les fleurs. Le canot était arrêté près du petit jardin flottant des nénuphars. L'enfant tendait vers eux sa main en répétant « Les fleurs, je veux !» Il se pencha, bascula. Sa mère étendit le bras pour le saisir. Elle fit ainsi incliner le canot et fut précipitée à l'eau avec l'enfant. Élisabeth jeta un grand cri, se leva brusquement et plongea dans l'étang. Elle réussit à saisir la robe d'Agathe et, presque aussitôt, celle-ci s'agrippa à elle. Pendant un moment, Élisabeth crut qu'elles allaient couler toutes deux. Agathe, heureusement, perdait connaissance. Lui saisissant le bras, Élisabeth, excellente nageuse, réussit à gagner la berge où déjà accourait le jeune jardinier qui avait entendu ses appels. Il saisit Agathe, la hissa sur l'herbe. Élisabeth lui cria « Portez-la vite au château, je vais chercher l'enfant !» Et elle revint à l'endroit où était tombé Thierry. Mais le petit corps avait déjà coulé. Elle dut regagner sans lui la rive et se mit à courir autant que le lui permettaient ses vêtements ruisselants. Dans l'escalier de la tour, elle appela Adélaïde et, interrompant ses exclamations d'effroi, elle lui cria « Allez vite dire à mon père que je n'ai pas pu sauver Thierry, qu'il est resté dans l'étang !» Puis, ayant gravi les dernières marches, elle s'affaissa, inanimée.